encore un autre soir où tout paraît de plus en plus noir. Peut-être bien que c'est les nouvelles qui me rappellent dans quel bordel on vit. Y'a des rebelles, des violents, des dangereux, des raëls, des gourous, des crapuleux, des voleurs, des violeurs, des extrémistes, des menteurs, des sans-cœurs, des terroristes, des escrocs, des preachers, des profiteurs, des macros, des hackers, pis des broyeurs, des vandales, des sales, des mal autrui, des voyous, des filous, des impolis. Depuis toujours, faudrait croire que ce chef-d'œuvre, c'est une image de toi. Y'a des pauvres, des millionnaires, plein de groupes, plein de solitaires. Tout s'ennuie, y'a rien à faire. La vie va vite, demain c'est déjà hier. Parlant de la vie dans les salons mortuaires, entre ton part en avant ou part en arrière. Quand le 6 est un 9, est-ce moins à l'envers? J'peux-tu sacrer pendant cette prière? Depuis toujours, faudrait croire que ce chef-d'œuvre, c'est une image de toi. Ou bien je suis con, ou bien je suis une lumière, une lampe de poche, une centrale nucléaire. Je suis comme une blonde qui est comme son père, un pacifique qui ne sait qui fait la guerre. Y'en a qui ont faim, ben oui, moi je digère. Y'en a qui ont soif, ben moi je bois une bière. Enseigne-moi, montre-moi comment faire. J'peux pas, j'ai pas le temps, tes actions valent pas cher. J'peux dire toutes les musiques n'ont pas le même air. J'peux pas dire qui va au ciel ou qui va en enfer.